Allô. Ouais. T'es là? Mais t'es où là? Je suis là. Mais je sais où je suis. Je me suis déconnecté. Ok, t'es déconnecté, mais là on commence dans deux minutes, même pas gros. Hein? Ben. Bah, ouais. C'est la prise. Il y a 15, il y a tout le monde est là, tout le monde est installé, on t'attend gros. J'arrive. Fred. Eh mais pour toi c'est fini les vacances, c'est terminé les vacances. Ouh, Planète Rap ça reprend, c'est reparti. C'est le retour de mon émission préférée. C'est reparti pour une nouvelle saison de Planète Rap. Aïe aïe aïe. T'as kiffé tes vacances? T'as kiffé tes vacances, Pico? T'as kiffé tes vacances? T'as kiffé tes vacances? T'as kiffé tes vacances? Tu vas kiffer ta rentrée sur Skyrock. Yeah, c'est enfin le retour de Planète Rap. Encore une fois, plus de 500 artistes passeront au micro de Planète Rap. Allo allo les auditeurs de Skyrock. Hey what's up? Un big up à l'émission de référence. Salut la famille. Salut. Aïe aïe aïe. Yeah bitch, c'est Planète Rap. C'est la famille Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. Yo yo. Sky. Je serai sur Planète Rap. On sera là. On sera là. On sera là. Pour t'offrir des centaines d'heures de live. Skyrock Flow. De freestyle inédit et d'infos exclusives. J'ai pas trop d'inspi, mais bon. La nouvelle saison de Planète Rap, ça reprend maintenant. Et c'est reparti pour la nouvelle saison de Planète Rap. On est en direct, les skyrock.fm également. Les images sont dispo pour DJ Case et Paris, Oran, New York. Comment ça va, Case? Ça va très bien, en super forme. Forme olympique forme. Là, ce soir. Ouais. Ouais. Que va-t-il se passer ce soir dans l'émission? Alors ce soir, on va se refaire encore un petit mix live de, dont on a l'habitude de faire. Un très petit bien. Mix live de 5 minutes. On va faire découvrir certains titres du projet par Oran New York, donc il sort le 25 août. C'est lundi dans les bacs, ouais. Et on peut donc, le précommander dès maintenant. Exactement. Donc les précommandes sont lancées depuis un petit moment et ça cartonne. Les gens, il y a des excellents retours déjà pour les premiers titres qu'on a balancés. Et on a deux artistes, Diesel qu'on a. Diesel qui est de retour dans Planète Rap. Comment hello, ça va, mademoiselle, hello, en pleine va. Forme. C'est ouais, ça. La forme comme d'hab. Chanteuse, rappeuse, elle sait tout faire. Rappeuse, voilà, du label Juston et c'est un peu la mascotte du projet, donc elle est là. Une jolie mascotte. Jolie mascotte. Donc Diesel, bienvenue, ça va, en pleine forme? Bah ouais, comme d'hab. Bah écoute, comme d'hab, bah, pareil, tout le monde est en pleine forme aussi. Bon bah c'est parfait. On va pouvoir attaquer, donc Diesel est invité. C'est ça, et Amidou, un MC, rappeur. C'est moi-même. Voilà. Ça va bien Amidou? Maker, il vient avec ses robots. Je vois qu'il a installé une petite machine devant lui, on pourra le découvrir. Il est dans le turfu. On pourra découvrir tout à l'heure en live. Un petit CV Express pour toi Amidou? Bah moi, là, du label 140 Squad... J'ai participé à un truc proposé par Off, c'est PLS, ouais, certifié par la street, ouais. Série 5, et du coup j'ai fait d'autres projets et voilà quoi. Et il est présent aussi sur le projet DJ Case. Voilà. Sur un projet, sur un titre qui s'appelle Arabian Bad Girl avec LECK. On pourra le découvrir tout à l'heure. Il y aura du live tout à l'heure. Ah, du live. Et si vous avez loupé l'émission d'hier soir, vous avez loupé une grosse émission. Oh là là. C'est pas bien de pas être là. Ah non. Mais on va se réécouter un petit peu ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. Ça donnait ça. Planète Rap. Le replay. Avec DJ Case et le projet Paris-Oran New York. Paris-Oran New York qui sort le 25 août. C'est dans 6 jours maintenant, c'est bien Case. Ça va. On est là pour faire découvrir les titres. Ouais. On invite des artistes, on fait du mix aussi. On fait écouter de la musique. Oui, il y aura un mix. Allez, c'est parti. DJ Case. Yasmine, oui. Est-ce qu'on pourrait écouter ta voix? Give me some love. Ah, ça envoie, hein. Et Tirgo, je disais, moi, je l'avais découvert, il t'avait caché ça, mais dans le freestyle de Planète Rap, il y a 2 ans déjà, hein, je crois que t'avais rappé. Ouais, si, il y a 2 ans, ouais. Bah, Tirgo, tu vas faire le live sur ton morceau maintenant. Ouais. C'est parti? C'est parti, c'est allez, parti, go! Poto, fais qu'il croit les potos. Les michetons nous ont vu, mériteraient même pas une photo. 9-4 coco, c'est pas les chiffres du loto. Un concert à Bercy, sur la scène, je ramène des motos. On est auto, VIP ramène l'auto. La belle shit alcool et VIP dans nos locaux. Mais les taux se resserrent, t'es disparu comme métaux. T'as des gros métaux, mais t'es pas un mec du ghetto. DJ Kaiz. Paris, Oran, New York. Planet Rap.

j'ai des billes. Demande un stack pour Rich, trop de le si. J'kick ça de si. Prends mon yé, prends mon yé, prends mon yé, prends mon yé. DJ Kays, dis pas dans cette dingue, Kays, s'il te plaît. Mon yé, prends mon yé, prends mon yé. C'est une affaire de pas trop, hein. Les mains en l'air, les mains en l'air, les mains en l'air, les mains en l'air, les mains en l'air. C'est sérieux, hein. Paris ou New York, let's go. J'suis pas la quête de John Paul, ni le compte de Sean. J'aime le tir pas sur ma chicha, surtout si t'as les dents jaunes. On est là pour la déconne, on sera pas tous les jours. Jeune pote, t'es là, t'es sérieux, mais tu passes une soirée chère. Fini les portes du rail, ma cité a déjà craqué. On move sur du rail avec des gonzesses à croquer. Si les keufs nous écoutent, faut surtout pas paniquer. Passe pas de tuyaux au charbon, c'est pas pour braquer. On va tout faire pour te plaire, respecte la mise. Les traces sur son bras, c'est le fer. Chétan, en pécane, DJ Kays, l'artiste, c'est obligé que t'es fan. Kays au contrôle pour Paris, Oran, New York, ouais. Avec un extrait là, avec El Matador notamment. El Matador, Copacabana, on s'est mis aussi l'artiste Camro, Foot Bordel, on Jules, Fidèle à ma team, l'Algerino, Grosse Garde-Robe, et Mokobe, Dry et Diesel, Soirée. Tout ça, c'est des morceaux qu'on retrouve hein, sur exactement, sur lundi. Sur, ouais, lundi. Sur Paris, Oran, New York. Ce soir, il y a Diesel avec nous, Amidou aussi. Yes. Il y aura du live avec vous tout à l'heure. Et... Il n'y a plus ta boîte Ouais, un petit problème technique. Mais c'est la soirée, décidément. Donc, il n'y aura pas d'autotune en live. Bon, bah, c'est pas grave, tu le feras. Voix sèche. T'arriveras à te démerder, je pense. Ouais, ça va le faire. T'as des sorties pour toi, Amidou, hormis le projet de Kays? Bah, il y a un son que j'ai fait avec Mokobe. Mokobe du 113 qui va sortir là très prochainement, dans les jours qui viennent. Et à la rentrée, peut-être un clip normalement. Mais plus rap, parce que là en ce moment c'est en mode festif, tu vois, c'est. Voilà la période. Donc on attend la rentrée où ce sera un peu plus dur. Ouais. Bon, très bien, ce sera à suivre. On peut te suivre où d'ailleurs, toi, sur Amidou? Facebook, Amidou, H-A-M-I-D-U 93. Sur Twitter et Instagram, Amidou Soman, H-A-M-I-D-U-S-O-M-A-N. Voilà, pour tout savoir sur Amidou, toi, tu l'as traité comment, Amidou? Amidou, super. En fait, on s'est connu il y a un petit moment, et moi je l'ai connu, il avait une autre casquette, il était beatmaker, ouais. Et il rappait aussi, c'est-à-dire. Comme on l'a dit depuis le début de la semaine, complémentaire, que des couteaux suisses. Et un G. Là, c'est un G. S'il vous plaît, monsieur. Ouais, il mixe des sons, il fait tout, il rappe, il chante, il autotune, il super bionique. Ouais. Donc, et ben, on suivra ça tout à l'heure en live dans l'émission. Ça. D'autres extraits, qu'est-ce qu'on va passer ce soir? Moi, je crois vraiment en lui, puisque c'est merde. Hein. Ça, c'est parti doucement et ça commence là vraiment. C'est maintenant que ça commence et ça fait vraiment plaisir qu'il soit sur le projet. Bon, qu'est-ce qu'on écoutera du projet Kays dans quelques minutes? Dans quelques minutes, on va s'écouter Matrixé. Matrixé? Ouais, Matrixé. Eh bah, très bien, ça arrive. C'est ce qui est prévu, je crois, non? Je pense, ouais. Matrixé, très bien, moi ça me va très bien. Hein. Ça arrive dans quelques minutes. J'ai aussi une petite question. Ça, c'est la question pour repartir avec l'album dédicacé Paris, Oran, New York. Alors attention, c'est vrai qu'on en a pas parlé la cette semaine, non, ça je pense pas. D'accord. Quelles sont les origines de DJ Kays? Je vais avoir des réponses Paris ou en New York. Quelles sont les origines de DJ Kays? Allez-y, vous balancez les messages. Bon, je peux en donner un des deux, c'est vrai que t'es français. Et il y a aussi une autre origine. Oui, il y a une origine, effectivement. Et bah, donc, je crois qu'il y avait un indice, non? Non. Ah, bon. Ah, Mmh. Ah, tu veux l'indice? Je l'ai pas dit parce que après c'est trop simple. Tu préfères qu'on le dise? Oh, moi, non, l'indice que t'as, ouais, je vois c'est lequel, mais là on va donner un autre. Alors, ils ont participé à la Coupe du Monde. C'est bon? Voilà, ok, oh. Ouais. Le Chili. Case est chilien. Chilien, ouais. Si vous avez la bonne réponse, allez-y, 41759. Allez-y, bah, c'est déjà parti, regardez, réponse, c'est déjà parti. Avec le hashtag DJK sur Skyrock, vous repartez avec l'album dédicacé Paris au rang New York. Matrix est à venir, mm-hmm. Bah, bougez pas, c'est juste après ça. Comme toi, DJ Case a choisi Planet Rap. Planet Rap. 20h, 21h, tous les soirs sur Skyrock. Avec DJ Case, notre invité pour Paris au rang New York. Ça sort lundi 25 août, t'as pas loupé. Sur Skyrock, dans un instant, il y aura du live aussi avec Diesel, avec Amidou qu'on va découvrir. Ouais, ouais. Ils sont présents sur le projet. C'est ça. Et si tu dis allô, on a aussi une autre jeune fille qui est présente sur le Paris au rang New York de DJ Case. Kenza Farah. Vas-y, essaye. Dis allô. Allô. Allô. Salut Kenza. Salut. Allô. Ça va? Ça va Kenza? Ça va, au calme, et vous? Bah nous aussi, t'es où? Moi je suis à Marseille, en famille. La famille, la maison. Le soleil, Marseille, tout va bien là-bas à Marseille, Kenza? Ouais, ça va, je me repose un petit peu, j'avais pas mal de trucs en famille, tout ça, j'ai pas pu être là, mais voilà, je tenais à vous avoir au téléphone pour soutenir le projet, parce que franchement, voilà, c'est un très très très beau projet, et je suis super contente d'avoir participé à ce projet, à ce titre, avec Diesel, ma frère. Ouais, elle est dans les parages, je crois. Elle est là, elle t'entend. Je suis là. Ouais, ben gros bisous à elle aussi, donc voilà, et vous ça va? Bah écoute, on est en pleine forme, les vacances sont bien passées. Sauf qu'à Paris il fait pas très beau. Ouais, ça malheureusement. Heureusement qu'on est là pour amener un peu le soleil. Tu rentres quand toi? Bientôt, j'arrive pour la fin du mois. Il y a beaucoup de boulot pour toi Kenza? Oui, j'ai mon album, le 5e album qui sort le 29 septembre. Voilà, donc, il était un peu décalé. Ouais, le 29 septembre, donc 5e album, charismatique. Et puis voilà, on va monter à Paris pour promotionner tout ça. Et voilà, en attendant, on soutient le gros projet de DJ Kai. Bon, merci. C'est une longue histoire avec Kenza. Oui, on se connaît depuis longtemps. On s'est vu plusieurs fois à travers les concerts. Voilà, exactement. Exactement. Et puis on la retrouve donc ouais en effet aux côtés de Diesel et Fat Man Scoop, donc l'international MC numéro 1 dans le monde, Fat Man Scoop, et sur une prod de Soundchecker et de moi-même. Et le titre c'est Matrixé. On le met d'ailleurs, on va le mettre exactement. Maintenant. Et Kenza, merci d'avoir été avec nous pendant ces quelques minutes. Ah bah avec plaisir, merci à vous, gros bisous à toi, Diesel, gros bisous, Kyle, gros bisous à Juste, à toute l'équipe, et voilà, j'espère que ça va cartonner, nous voilà, on est là pour soutenir le projet à fond. Et bah toi, profite bien justement de la famille, des proches de Marseille, et reviens en pleine forme. Merci beaucoup, gros bisous à tous. Et on attend l'album 29 septembre pour Kenza. 29 septembre, charismatique. Charismatique, merci, bisous Kenza. Gros bisous à tous, je vous embrasse. Et bah Matrixé tout de suite. Tchuss. Je crois qu'il est temps de le mettre. Oui, je crois que c'est le bon moment. Allez, c'est parti sur Skyrock. J'ai besoin de m'en aller. J'ai besoin de m'exiler. Dans un monde où tout le monde est comme moi. Dans un monde où personne ne me dévisage. Je sais que ça ne sera pas possible. Alors autant faire face à vos critiques. Tout le monde a ses différences. Et chacun son délire. Et surtout chacun sa chance. Mais c'est pas grave. On s'en fout. Soyons fous. Faisons du son. On s'exprime. On s'attire. On s'évite tout. On s'explique. Hello Paris, comment ça va? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que ça vous dit qu'on se follow? Oups, j'ai pas fait des présentations. Moi c'est des élèves et des fabricants. Dans les bacs. Mais je serai la seule à taper des bas. Kenza, dis-leur. Hey, passez-moi le mic. Laissez-moi dans ma matrix. Je t'aurais prévenu ma gueule. Kenza, Diesel, c'est authentique. Mon flow a du caractère. Je suis dans un monde parallèle. Parfois je fais tout de travers. Toi et moi c'est pas la même. C'est pas la peine que tu comprennes. Laisse tomber ce dilemme. De toute façon y'a plus rien à faire. Je suis dans un autre univers. Pardonne-moi si je plane. Ne calcule pas, je suis dans mon bail. Combinaison idéale. Au plat team, c'est DJ Kaze. J'suis matrixé, j'suis décalé. T'arrives pas à me cerner, t'arrives pas à me capter. J'me sens pointé du doigt par les autres autour de moi. Y'a quelque chose qui ne va pas, j'crois que j'suis trop dans mon délire. Oh, pourtant je n'ai pas perdu la tête. Oh, rien à voir avec la fumée. Oh, et parce que tu dis c'est pas marrant, mais j'fais la scène à taper des bars. Matrixé à l'instant sur Paris, voilà. Orange, New York. Ambiance. Le son qui matrix tout le monde. Avec Diesel, avec Kenza qu'on avait en ligne il y a quelques minutes. Mm-hmm. Kenza qui sera aussi sur le projet Paris, Orange, New York. Ça sort lundi 25 août. C'est ça. À découvrir cette semaine dans un instant du live. Allez hop, pouf. Diesel en proms. Yes. Honneur aux filles. Pas de soucis. Amidou, ça va, ça te dérange pas? Je suis galant, ça va. C'est dans un instant. C'est bon, tranquille. Ah, Diesel, tu dis live, direct. Faire pas de temps. Live. Là, juste avant, on est par téléphone avec Roms du 974 de La Réunion, célèbre freestyler. Comment ça va, Roms? Ça va bien, toi, Fred? Eh ben, écoute, en pleine forme avec DJ K, c'est la reprise pour nous. Salut, Roms. Bonjour à tous, ça va ou quoi? La Réunion. T'es où, toi, Roms? Ouais. Fred, moi, tu sais que là, si tu vas là-bas, ils vont t'appeler Zoreille. Hein. je sais. Zoreille avec le Zamal. Je connais. C'est Paris, Oran, New York, en passant par La Réunion, bien c'est sûr. Ça, bien sûr, avec le 9C4, t'es où là? T'es à La Réunion ou t'es en métropole? Là, je suis en métropole, dans 9-4, Val-de-Marne. Très bien, oui, on va écouter on va t'écouter rapper. Tu as vu, il y a une petite, un petit truc en plus pour les freestylers. Il faut être rapide, clair, concis, efficace en l'espace d'une minute trente, Roms. Sinon, tu entendras ce gong qui signalera la fin du freestyle par téléphone. Ok, d'accord. On t'écoute, Roms, c'est parti. Allez, go. Yeah. Rappeur, artiste, poète. Que tout ce que t'entends sort de ma tête. Yeah, 974 La Réunion, négro. Hein, yeah. Ok. Check, ça fait. Hein, yeah. J'démarre au quart de tour. Comme ces gens, j'suis toujours pressé. En avance, pas des tours, on est oppressé. C'est le train de la victoire là que j'entends passer. À l'arrêt de la vie ce soir, j'ai envie de le rater. Putain, et si le destin pouvait se jouer aux cartes, j'aurais raflé mon gain foutu à la routine une tarte. J'te dis cash, j'vais atteindre mes objectifs. Et puis tout sera jeu, ne m'étrompe pas. Et nerf à vif, à force de se faire mener en bateau, j'ai la zéno. On parle trop, refait l'actualité sur les homos. Les jeunes pensent plus autour d'un pédo. On dit que l'amour c'est vaisseau, détour d'un porno. J'regarde la vie en noir et blanc, couleur symbolique. Alors qu'un raciste langue d'une femme finit paraplégique. Gros, les euros passés sous notre pif. Demande au michto, les histoires vives, règle la coupe pifle. J'prends tout le monde et fous tout le monde dans le même panier. Une fois le pied dans la merde, on se rend compte de ce qu'on a fait. On se laisse porter par système sur un escalator. Les erreurs s'enchaînent tous les jours, touchés par les remords. Des rêves plein les yeux, des sons plein la tête. Un air plein joyeux pour mettre un terme à la fête. J'installe le décor sombre d'une ville peu éclairée. La chaleur se fait dominer, la weed se laisse ferrer. L'Ital Jérôme proviendra le mettre au tapis. Car Bernard que c'est fini, qui devrait changer Paris. Aller-retour, Bordeaux-Paris, les images défilent. Une classe en ce milieu reste une quête pour les autres incomprises. Négro, yeah. Ok, Roms, okay. C'est ce que je voulais. Rapide, clair, précis. J'ai une belle instru en plus. Ouais. Ah, bravo à toi, Roms. Merci une nouvelle fois. On te retrouve sur le net, toi aussi, Roms. Voilà, sur Twitter, ROMS435, sur Facebook, Roms, plus loin Romain. Et voilà, on me check sur YouTube aussi, on tape Roms974 et puis voilà. Et ben merci à toi, Roms. Bien, merci Roms. À vous. Allez, salut, ciao. Passe une bonne soirée. C'est vrai que j'ai pas filé la réponse à la question en demandant tout à l'heure quelles sont les origines de DJ Kaze. Il y a une partie française et une partie Kaze. Ouais, il faut que Momo en fait il... Ah. Mais pour les gens qui nous écoutent à la radio, oui, parce que c'est con. D'abord la caméra. Ah, pour la caméra, pour d'accord. Sur le skyrock.fm ou alors sur l'application Skyrock, vous avez déjà la réponse. Hop, voilà. Voilà, ça c'est sur skyrock.fm. Et pour ceux qui nous écoutent, quelle radio? Je suis algérien. Algérien, voilà, pour tous les messages. D'origine algérienne. D'origine algérienne, il y a eu beaucoup de réponses. Et le petit indice. Big up au Maghreb et à l'Afrique. Évidemment, le petit indice Coupe du Monde que tu as filé tout à l'heure qui a beaucoup aidé. On est parti pour le live maintenant de Diesel. Yes. Ils ont décidé que j'étais pas chilien. Ah. Juste avant, par contre, on me signale dans mon oreillette que nous avons encore un autre coup de fil après celui de Kenza Farah, un autre artiste présent certainement sur l'album. Ça doit être ça. Eh bien, on va essayer de deviner. Un artiste qui a du swag, non? Allô, c'est qui? Allô, allô. Ah oui, c'est un mec qui a du swag. Un mec qui a du swag. Rien qu'au allô. Voix, là, du swag. Rien qu'au allô, allô. Rien qu'au allô, allô. Ce monsieur s'appelle H Magnum. Comment va? Ça va H? Ouais, comment tu vas, frère? En fait, il devait être là ce soir. Bah, c'est ça, parce que avion, moi, on m'avait annoncé ce soir, il y a H Magnum et tout. Et qu'est-ce que... Franchement, j'ai failli inventer 50 000 mythos, mais la vérité, tu sais, je vais dire à Case, j'ai fait un accident, j'ai fait, tu vois. Mais en vérité, j'ai raté mon vol. Ouais, voilà, tu es où? Je suis au Maroc. Ah ben, Marrakech. Il est bien. Marrakech. Et donc tu restes un peu. Et donc a priori tu restes un peu. Voilà. Donc franchement, je me suis levé le matin. Il s'est dit bombardé. Entre le Maroc et Planète Rap. Il y a une bonne connexion. Ouais. On aurait dû faire cette semaine au Maroc. Ouais, je crois bien. On aurait dû faire tout le monde. Tout le monde est au Maroc en plus. Ah ouais, et c'est quoi, c'est vacances pour toi, H Magnum? C'est boulot, c'est qu'est-ce qui se passe au Maroc? Ouais, non, c'était détente, c'était vacances. J'étais venu voir mon gars sûr, Guy, tu vois. Donc, Guy, qui est au Maroc aussi. Voilà, qui est au Maroc. Et donc tranquille, quoi. C'était détente, famille. Et voilà. Ouais. Je sais qu'il y a Case qui est passé dans les parages. Ouais, ah, on s'est loupé, ouais. On s'est loupé quand j'étais à Casa, t'étais à Marrakech. Quand j'étais à Marrakech, il y a un décalage horaire, il y a un petit décalage horaire. Regarde le décalage. Mais je reviens ce week-end. Hein. Toi, t'es content d'être sur ce projet, justement, sur le projet Paris Euro New York? Sincèrement, je suis super content. Je suis vraiment content. Et ça faisait longtemps, ça faisait presque 2 ans, je pense, que je devais poser sur une compile de Case. Voilà. Donc on s'est loupé. Et là, c'était la bonne. Il n'avait pas encore du swag avant. Bon, et puis là, c'est un morceau qui a beaucoup tourné, hein, celui-ci, qui continue encore d'ailleurs. Franchement, je suis super content de ce morceau. Du swag et. Voilà, quoi. Franchement, il cartonne et c'est super. Et pour toi, qu'est-ce qui se passe là à la rentrée, H Magnum? Moi, non, à la rentrée, là, c'est un gros son, un gros single qui arrive. Donc voilà, avec un clip tout. Donc franchement, je suis quelqu'un d'un peu assez réservé. Je parle pas trop. C'est vrai. Mais je vais mettre sincèrement des tartes cette fois-ci. En toute simplicité. En toute simplicité, non. Sincèrement, le son sera fort et c'est mon premier single qui annonce mon album. Mon premier album solo. Si. Ça veut dire que normalement, après cet album-là, tu peux dire à H Magnum, il pue sa race. Il n'y a rien, tu vois. Parce que là, c'est mon bon mal. Parce qu'avant, c'est les mixtapes, on se prend pas la tête. Hey, H, voilà. C'est Kaiser. Oui. H. Ouais, Kaiser. Tu sors ton premier album? Je te suis. Ah, ils connaissent, c'est un délire. Hey, dédicace à Giston. Hey, Kaiser. Ouais. Tu fais des chiffres? Je te suis. Je crois que c'est entre vous. C'est hein, un joke. Merci d'avoir été avec nous par téléphone en tout cas. On t'attend donc en tout cas, de retour. Ça m'a fait plaisir. Sincèrement, j'étais dégoûté. Je suis encore désolé, Kaiser. Non, y a pas de souci. En tout cas, j'ai écouté des titres de son nouvel album qui va venir. Bien joué le coup d'arriver en train à l'aéroport. Bien joué. Là, je suis face à la mer. En plus, j'espère que vous ressentez ça. Je vous envoie ça et j'embrasse tous les auditeurs et allez chercher le projet. Il est très très très lourd. Sincèrement, il y a plein d'artistes dessus et c'est rare aujourd'hui de réunir les artistes comme ça. Voilà, parce que maintenant chacun est dans son monde, chacun est dans son crew, et c'est dommage, tu vois. Et quand il s'agit des Américains, on est ouvert d'esprit, tu vois. Mmh. C'est dommage qu'il n'y ait pas de plus de compiles comme ça où il y a des rappeurs qui se confrontent comme ça de styles différents. Mais bref, j'espère qu'il y en aura d'autres. Et en tout cas, même si tu sors à la rentrée, Inch'Allah aussi, allez choper Case qui sort là, tu vois, le 25 et. Voilà, c'est un gros duet, mais merci encore Fredo et merci à toute l'équipe et Justin Record forever. Eh ben merci à toi surtout d'avoir passé un petit coup de fil en direct du Maroc qui nous a fait rêver un petit peu. Merci à toi H Magnum. Salut H. Ciao. À toute la Dream Team. Chouchou. Ciao, ciao. Dream. Voilà. Dream. Passez une bonne soirée avec nous, c'est le Planète Rap. Et là, Diesel, on t'a fait attendre. Merci. Maintenant, tu peux te lever. Je peux me lever. Tu vas pouvoir chanter pour nous. C'est quoi? C'est freestyle? C'est morceau? Ouais, freestyle, ouais. Freestyle de Diesel, vous allez pouvoir la découvrir maintenant. Les images sont sur skyrock.fm, le son sur Skyrock dans toute la France. Prêt? Yes. Allez, on y va. Let's go. Justin, Justin. Diesel, Diesel. Justin, Justin. Ok, c'est Diesel, moi je me présente, je viens de Sergi Hood. Ici y'a pas de zé, pas de tapis rouge, c'est pas Hollywood. J'suis la dalle de réussite, oh là là, j'ai le ventre qui gargouille. J'frappe mon estomac, que du piment, t'auras de la hnoun. Si t'aimes pas ce que j'fais, tant pis, moi je veux pas de thé à tchoum. J'arrive dans le game, appuie sur play, ça y est, c'est mon birthday. J'suis la surprise que t'attendais, comme dans tes Happy Meal. J'ai pas trop le choix, donc j'persévère, ici c'est face au pile. Coucou, c'est DC, tu peux zoomer sur Sergi. Est-ce que tu vois dans un des quartiers la Diesel qui scintille? J'éblouis sur ma route, les rages qui me méprisent. Ils vont cligner des yeux, perdre la vue tellement j'illumine. Oh. Dès que quelque part ça me regarde toujours du coin d'œil. Quelqu'un m'a dit fais gaffe autour de toi, y'a trop de mauvais œil. Je vais pas faire dans la douceur, si après ça t'as une mauvaise mine, c'est parce que je m'adresse au haineux. Coucou, c'est DC, tu peux zoomer sur Sergi. Coucou, c'est DC, tu peux zoomer sur Sergi. Coucou, c'est DC, tu peux zoomer sur Sergi. Ok, ok, ok. Je pose mes pieds au sol, je prends ma douche, je décolle. Deux, trois tours dans la ville où tout le monde me questionne. J'ai pris mes écouteurs pour adoucir mes mœurs. Me raconte pas ta vie, je sais que tu m'étonnes. Yeah, yeah, yeah, yeah. Justin, Justin. Diesel, Diesel. Yeah, yeah. Et voilà, voilà, voilà. Bravo, Diesel, à l'instant en live, si, que vous retrouvez. Si, si, si. Elle a plusieurs morceaux hein, sur Paris, Euro, New York. Oui, elle en a trois. Et yes, trois vraiment excellents morceaux qui sont dans le top 5 de l'album. Et Diesel, pour la suivre, appelle-nous justement pour te suivre avec tes deux LE. Moi, c'est sur ma page, Diesel officiel. Diesel officiel. Et à l'instant, voilà, donc en freestyle dans Planète Rap. On continue avec un petit peu de live. Cette fois-ci, c'est Amidou. Amidou, ouais. Qui lui aussi fait partie. J'ai besoin de toi. Paris, Oran, New York. Amidou avec nous. Yeah. Amidou qu'on peut suivre aussi un peu partout sur le net. Ouais. Et c'est ton équipe, c'est ça, 140 squad, je vois sur les squads. Il y a tous mes gars, Fresh, Solo. Il y a Pomijo. Il y a Medizou, DJ Rock, Nazim là-bas. On est plein. Voilà. Et on est prêt? Bondi. Non, attends, non. On redonne la clé. 93. Excuse-moi. Ah. Tu veux peut-être qu'on passe un morceau alors avant, si tu me parles de clé là, ça me fait un peu flipper, Case. Ou tu vas être prêt le temps que je rappelle 2-3 choses? Non? Dis-moi juste combien de temps sinon, il faut. Ou sinon on va le mettre à côté peut-être. Alors oui, on va le faire ça. On va faire ça dans un instant. Alors qu'est-ce qu'on met comme morceau? Qu'est-ce qu'on met comme morceau, Case? On va mettre. My Blade? Alors, on va mettre Soirée. Soirée? Ouais. Eh ben très bien, on met. Vas-y, on t'écoute. Et puis dans un instant, donc il y aura le live. Émission freestyle hein, ce soir. La clé USB, vaut mieux la mettre de l'autre côté que sur l'ordi. Allez, on écoute Soirée maintenant sur Skyrock. Aïe! DJ Case, mon copain Drive, Diesel. Paris, Oran, New York. Hey, Diesel, vas-y, viens sur la piste là. Ok, Case, on y va là. Justin, je suis dans la boîte, je suis dans le club. Y'a des sons que je kiffe pas trop, mais je mets l'ambiance. À la base, la femme, c'est pas ma canne. J'essaie de suivre le mouvement, je me contrôle plus sur la piste. Tout le monde est dans son délire, y'a même des gens jaloux. Jusqu'à la fin, après j'avoue, y'en a qui sortent. Il est minuit sur ma toquante, j'galère. Les gars se demandent où ils vont brûler un mois de salaire. Ça cause de boules, de bad bitch, ça va me plaire. Laisse les bras beats fight pour un bout de terre. J'file comme une étoile pour me baisser ça fonce. Chercher la fuck et m'équiper de ma conce. Fini l'époque des guerres face au visio. Au platine y'a Kay, très en chemin. Je suis un enfant de la fun comme James Brown, j'ai les jambes en feu. Le doigt en l'air, le paquet glisse, c'est trop mielleux. Je suis à déguster, je suis à croquer, chaud à l'intérieur. Rappelle-moi moi le. Suis-nous sur la piste, c'est ça, peut-être des petits. Pas un petit cercle en dessous de la boule à facettes. Jamais sous tease avec mes yeux de shiny. Cherche pas la chiffon dans le ghetto, c'est la cerise. J'suis dans la boîte, y'a des sons que j'kiffe pas trop. Mais j'aime l'ambiance. A la base, la funk, c'est pas ma canne. J'essaie de suivre le mouvement, j'me contrôle plus sur la piste. Tout le monde est dans son délire, y'a même des gens chelous. Et j'profite jusqu'à la fin. Après j'avoue, y'en a qui foncent jusqu'au bout de la night. Parfois t'as pas l'envie de sortir t'amuser, mais tes potes t'engraînent. Alors tu te laisses tenter et tu sais dorénavant qu'à la fin t'auras la migraine. Mais ça vaut le coup, donc tu t'emballes pas, ambiance caliente. Oh, tu peux même te mettre à la suite de trois petits pas de salsa. Beaucoup trop nostalgie, c'est clair, j'ai la fin en moi. Trop style, trop de classe, c'est la seule classe. J'ai sorti le trois quarts, il est sous le bras. Si je suis avec tout le quartier, ne me saoule pas. Chicha emporté, j'ai la hookah. Demain je m'arrête pas comme AP et Rimka. DJ Case, vas-y, lâche les décibels. On est là, on bouge pas comme le visage. Je suis dans la boîte, aïe, je suis dans le club. Y'a profite jusqu'à la fin. Après j'avoue, y'en a qui foncent jusqu'au bout de la night. On m'a tué sur la pelota. En attendant sur le pilon, moi je tire des feutas. Comme au foot, ça les crochets dans la surface. Pour les frappes, on surpasse. Quand les autres font du surplace, donc tu es les surclasses. Le roi, c'est la qualité. Cali fait la fête et enterrons nos rivalités. Pas d'hémorroïdes au cul, mais j'ose plus m'asseoir. Sur les caves, je mets les pleins. C'est OP, vous m'avez saucé. Une petite question, c'est gratuit avant minuit. Oh, j'ai pas les ronds qui payent sa conso. Je dis ça, je dis rien avant qu'on traite de mille. C'est quoi l'ambiance? Oh, soirée Jordan ou costard. Fais pas ta masse, talon aigu, tu vas te fouler la cheville toute la night. Toute la night, j'suis dans la boîte, j'suis dans le club. Y'a des sons que j'kiffe pas trop, mais j'aime l'ambiance. À la base, la funk, c'est pas ma came. J'essaie de suivre le mouvement, j'me contrôle plus sur la piste. Tout le monde est dans son délire, y'a même des gens jaloux. Et j'profite jusqu'à la fin. Après, j'avoue, y'en a qui foncent jusqu'au bout de la night. C'est soirée à l'instant, c'est extrait de Paris, Oran, New York, avec DJ Case, notre invité. Funk, ouais. Et je crois que c'est rétabli pour Amido. C'est bon. Ouais. On va pouvoir l'écouter en live maintenant. Et puis rappeler qu'il y a un concours aussi sur ta page pour partir avec toi à Marrakech. C'est ça. DJ Case. Ouais, je vais l'expliquer vite fait le jeu. Vas-y, vas-y. C'est l'huissier de justesse qui va en parler. Donc à partir de tout de suite là. L'huissier de justesse qui en parle. Jusqu'à lundi, tous ceux qui achèteront l'album sur iTunes ou lundi en physique, vous le postez sur la page fan avec la photo. Donc la capture écran ou alors. La capture d'écran ou alors le CD à la Fnac, ils l'ont dit. La page fan DJ Case, DJKYZ. Vous le postez. Il y a un grand concours et mercredi, on choisit deux gagnants. Ils partent avec nous à Marrakech le 5 septembre. C'est aux frais de la princesse. Et c'est voilà, c'est 6,99€ DJ Kaïs. Eh bah, ben, allez-y, vous pouvez déjà précommander, faire la capture d'écran et l'envoyer sur les différents réseaux sociaux de DJ Kaïs. C'est ça, c'est ça. Amido, tu es prêt maintenant? Ouais. Allez, c'est parti, session live dans Planète Rap. On y va. Paris, Oran, New York. 2014. Amido, 140, quoi. Hey. Quand t'as fait tous tes tralala, j'ai ta copine, non c'est pas par là. Ton business non il est pas halal. Ouai, ouai, ouai. Vagabonde, vagabonde. Expansion, elle est blonde. Vagabonde, vagabonde. Amidou, mais dis-moi, t'allais où? T'allais où? T'allais où? T'allais où? T'allais où? T'allais où? T'allais où? T'allais où? Quand t'as mis ta petite jupe à minuit, deux, trois whisky t'as zappé tes ennuis. Tu rêvais d'exciter mes amis, ta fille c'est restaurant, chicha, boîte de nuit. Marrakech, Marbella, Miami, cette année rendez-vous au Brésil. Tout est faux, des talons aux sourcils. Au réveil, dis-moi qui est cette fille. Vert sur vert, Belvédère, ton seul but est de ruiner les frères. Luc Belair, billet vert, t'auras rien mais regarde pas le travers. Noctilien, mal au pied, escalier HLM dégradé. C'est l'heure d'aller se coucher. Allez, bitch, va te démaquiller. Quand t'as fait tout tes tralala, chez ta copine, non, c'est pas par là. Ton business, non, il est pas halal. Ouai, ouai, ouai. Vagabonde, vagabonde. Extension, allez, elle est blonde. Vagabonde, vagabonde. Amidou, mais dis-moi, v'là les loups, solo fraîche. Yamadou, mais dis-où. Amidou, 140, v'là les loups. V'là les loups, v'là les loups. DJ Kaïs, Paris, Oran, New York, 2014, 25 août. Yeah, yeah. Yeah. 140 squad. Amidou. Amidou. Et c'est pas fini. C'est pas fini. On continue. En tout cas, merci à DJ Kaïs. Ouais, normal mon pote. Allez, achetez l'album le 25 août. Donc ça, c'est dans l'album ça. Mm-hmm. Arabian Bad Girl. Avec qui le CK. Le CK. Yeah. Salam alaikum. Salam alaikum. Yeah. Allez, cool. Yeah. Oui, sans souci, les flashs de Bali. Arabian girl, c'est qu'elle est jolie. Danse toute la nuit, danse toute la nuit. Arabian girl est dans sa folie. Elle est sûre, pas dans nos tours. Dédicace à Fouette. Yeah, Mansley. Toute la clique. 9-4, 9-3. Arabian bad girl. Ton prestige est comme le Black Pearl. À la recherche du real love. Tu veux te marier, pas de mari, pas de love. Elle fait son entrée dans la chicha. Elle excite ton mélufto. Un conseil devant mes losa. Faudra pas que tu louves trop. Fraîche, je te l'ai dit, 18 ans tu fais la baby. Arrivé à 30 piges. Tu sais que sans tes manières tu pètes ma baby. Mais t'en fais qu'à ta tête, tu marches comme une On ne se coupe pas un arbre qui n'a pas de fruits. Si t'étais inintéressant, tes bandes t'auraient fui. Si les rappeurs t'attaquent, c'est que ta réputée est cuite. Personne n'est parfait, même Kimi se maquille. Les flashs de Bali. Arabian girl, c'est qu'elle est jolie. Danse toute la nuit, danse toute la nuit. Arabian girl, elle est dans sa folie. Elle joue pas dans notre cour. C'est le cocktail à basse-cour. on lui tourne autour. Arabian Girl. On s'est croisés comme nos regards, j'avoue, yeah. Le sien c'est comme une décharge de AK. À l'époque j'étais un enfant de la rue, yeah. Je dis les règles, je filochais toutes les bengas. L'équipe de Schwerk. Benga benga, un leader de Volta. Feta feta, roulé dans un Merco, un outil dans le parc. Et oui j'avoue, j'étais le seul imbécile du secteur. Et je marchais fier auprès de cette Arabian Girl. Elle savait qu'au moins trop vite. N'avait même plus peur. Le gang, c'est les plages de Bali. Arabian Girl, c'est qu'elle est jolie. Danse toute la nuit, danse toute la nuit. Arabian Girl, le 25 août, Paris au rang New York. DJ Kai, Hamidou, LECK. Arabian Girl, African girl, salam alaikum. Au DJ Kaiz, salam alaikum. Hamidou vous passe le salam alaikum. Arabian girl, salam alaikum. African girl, salam alaikum. Au DJ Kaiz, salam alaikum. LECK, salam alaikum. Les flashs de Bali. Arabian girl, yeah. C'est qu'elle est jolie. Danse toute la nuit, danse le 25 août. Arabian girl, est dans sa folie. En 40 du quad fraîche, solo, yeah. Moi doux. Medjizou, yeah. Arabian Girl, Bondinan, yeah. Tous les quartiers de France. Salam alaikum, au DJ Kaiz, salam alaikum. Vous passe le salam alaikum. Arabian Girl, salam alaikum. Salam alaikum, au DJ Kaiz, salam alaikum. LECK, salam alaikum. Yeah. À l'instant là, yeah. Amidou, avec elle aussi qu'on retrouve tous les deux. Bad Girl, un gros son été soleil. Sur Paris Oran New York. Bah, merci à vous, en tout cas merci à toi Amidou. Merci d'être passé aussi à Diesel. Ouais, merci à vous. Entre 20 et 21. Case de retour demain, juste avant on fait tourner la roulette, c'est parti. Allez. Skyrock t'offre ta compile Planète Rap 2014 volume 2 et ton iPad mini. Avec Lucie de Bernay dans le 27, ça va bien Lucie? Ouais, ça va, ça va. Bienvenue dans le Planète Rap de DJ K. Ils ont fait tourner la roulette avec toi. Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Ok, ça va. Et ça va s'arrêter pour toi, Lucie, sur la case, c'est... Et ben voilà, Total, les sons, Planète Rap 2014, l'album qui déchire tout dans les bacs, c'est pour toi, avec en plus Paris, Oran, New York, quand on voit du côté de Bernay. D'accord, merci beaucoup. Bravo. Bisous Lucie, merci Kate. Bisous. Au revoir. Merci à vous. Demain on revient. Ouais, je voulais préciser simplement qu'on lançait un nouveau clip dimanche, le clip de El Matador Copacabana, qu'on balancera dimanche sur les réseaux sociaux à 18h. Et je voulais faire un gros big up dédicace à Clermont-Ferrand, Bus EMM Prod. Il est là. Si. Sabrina, Amel, Léa, Aya, toute la team Kai, je peux pas dire tout le monde, mais voilà. Ouais. Big up à tout le monde, big up à Amidou. Merci à toi. L'équipe, Medizou, Fraîche, si, 18. Et toute l'équipe. Eh ben merci à vous tous. Demain ça continue pour le Planète Rap de Case, Paris ou New York. La sortie c'est lundi. Pour moins de 7€, on peut le précommander dès maintenant. En plus, on peut partir à Marrakech pour moins de 7€. Ouais, incroyable. Tous les renseignements sont sur la page le Facebook. La page fan DJ Case DJ KYZ. Merci à vous tous. Bonne soirée. Ciao. On retrouve D-Fool maintenant. C'est parti. C'est la Radio Libre.